Entre 1h et 6h du matin, les nuits de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Deux producteurs ont tissé et croisé leurs récits de famille à partir de sons, de couleurs, de bribes de mémoire, de phrases à moitié chuchotées dans une petite ville de Franche-Comté, Lure. Lure, sous-préfecture de la Haute-Saône. Ici, deux maisons se font face, séparées par une petite rue. Et le passé lointain, eh bien là, on peut l'évoquer depuis la maison d'en face. Mais tout va commencer au cimetière. Nuit magnétique. Le Vert Paradis, Lure, une émission de Philippe Royer et Marie-France Thivault, réalisation Marguerite Gâteau, première diffusion le 28 septembre 1993. Nous avons des traces, lambeaux de papier dans la gorge. Comment avaler? Cela dans la bouche fait un plâtre. Vous voyez sur la page la transparence du plâtre, presque un corps. Nuit magnétique, bonsoir. C'est sur ces mots de Mathieu Bénézet que s'ouvre ce soir notre semaine. Une semaine orchestrée justement autour de toutes ces traces qui se sont inscrites malgré nous au fond de nos voix et que nous aimerions essayer de retrouver. Des traces qui tantôt nous empêchent de parler, de comprendre ou de faire, tantôt nous indiquent clairement une direction, une ligne ou un rythme à prêter à notre danse. Mais alors, ce serait quoi au juste toutes ces traces? Un secret de famille? Une terre perdue ou une terre trop aimée, une maison abandonnée là-bas, dans la pénombre de l'oubli, des images de guerre, des scènes d'amour, des corps vêtus de lettres qui auraient traversé les siècles sans jamais perdre la couleur des cheveux ou celle des yeux. Ce serait sans doute tout cela à la fois. À chacun donc, comme toujours, de débrouiller les fils de son histoire, à chacun de tracer sa géographie, à chacun d'avancer et de choisir ses gestes. Vivre serait-il autre chose ? Vendredi, dans notre rendez-vous mensuel des petites ondes, que nous reprenons en évoquant tout ce mois de septembre, il sera beaucoup question de guerre et de paix. Comment vivre une guerre? Comment la supporter, la regarder? Comment l'écrire ou la filmer? Comment en sortir? Et comment peut-être, à un moment, décider d'aller vers la paix? Leïla Shahid, Alexandre Tishma, Chantal Ackerman, Jean-Luc Benozilio et Gérard Haddad se partageront le récit de ces interrogations. Jeudi, avec « Moi-je » personnellement, Mathieu Bénézet, lui, ira fouiller du côté du « non » et de tous ceux qui cherchent d'une façon ou d'une autre à retrouver leur origine, escaladant les arbres généalogiques, fouillant dans les histoires de famille et les tiroirs des archives. Demain, Nancy Huston et Mariana Loupan nous offriront le portrait de Frédéric Le Boyer qui s'était aventuré dans les années 70 à propager l'usage de l'accouchement sans violence. Nancy Huston, qui par ailleurs vient de publier aux éditions Actes Sud un très beau livre, on aimerait dire presque un très beau chant, qui retrace à la fois le parcours de son grand-père et la géographie de sa terre d'enfance, le Canada. Et puis ce soir, c'est Marie-France Thivault et Philippe Royer qui ont tissé et croisé le récit de famille, leur récit de famille, à partir de bribes, de mémoires, de couleurs, de sons ou de phrases à moitié chuchotées, dans une petite ville de Franche-Comté, Lure. Nuit magnétique, ce soir donc, avec en toile de fond ce proverbe ukrainien, « Celui qui renie le passé perd un œil, celui qui l'oublie perd les deux ». Marie-France Thivault, Philippe Royer et Marguerite Gâteau, « Le Vert Paradis, Lure ». Famille Auguste Frochin. Ça vient d'être peint. Il y a une Amélie Larivière, épouse Mougenot, un Joseph Mougenot, un Luc Larivière, Auguste Frochin, ancien maire. Marie Tisserand, épouse Frochin. Et puis Edmé Chaumet, épouse Laforêt Frochin. Et puis Ernest Jules Laforêt Frochin. Alors c'est bizarre, là il y a André Laforêt. On a coupé le Frochin auquel elle tenait beaucoup. C'est vrai. Alors ça, c'était un légalisme, c'est-à-dire que mon grand-père avait été adopté, mais ça ne valait que pour lui, pas pour les enfants. Et moi, je m'étais battue, au contraire, pour qu'elle soit là avec les deux bouts. Il n'y a plus de place. Non. C'est peut-être pour ça qu'elle s'est fait incinérer. Et toi, où est-ce qu'ils sont les tiens ? Plus bas. On y va ? Paris, le 10 mars 1991. Mes filles chéries, à la veille de rentrer à l'Hôtel Dieu pour des examens qui ne me laissent que peu d'illusions sur la suite et fin inexorable, je veux vous dire quand même quelque chose qui me tienne à cœur. D'abord, je vous ai toute ma vie profondément aimée. Même si j'ai... D'abord, est-ce que tu es née à Lure ? Non, c'est ta mère qui est née à Lure. Moi, je suis née dans un autre pays qui était près de Vesoul, qui s'appelait Chenolsec. Il y avait tout de suite 250 habitants. Quand j'y suis allée la dernière fois, si. Ah bon, moi, alors, quand mon fils. Ah bah oui, mais moi ça je suis sûre de ce que je dis, puisque j'ai rencontré le maire, oui. Un monsieur à qui je me suis adressée en disant « Monsieur, pouvez-vous me dire où est le cimetière ?» Parce que je me rappelais très bien être allée sur une tombe dans ce cimetière des Chenolsec. Alors il m'a dit « Mais vous cherchez quelqu'un ?» Je dis « Je cherche une tombe. » Alors... Et ma maison natale. Et puis ma maison natale. Alors, et c'était lui qui l'habitait. Et je suis restée en rapport avec lui parce que je lui ai écrit en lui demandant si je pouvais me faire enterrer là-bas. Alors il m'a répondu, mais bien entendu, vous avez une concession à perpétuité, vous et votre famille pouvez venir. Alors j'ai écrit à ta mère et à tante Gigi que je les invitais bien amicalement à venir me retrouver à Echenolsec. Et c'est moi, je suis née à Echenolsec et ta mère est née à Lure parce que ta mère est née en 1920. Moi, je suis née pendant la guerre encore. En septembre 18. Elle est née en 1920 et papa était magistrat à Colmar. Et maman était enceinte et ils étaient en train de déménager. Elle était restée chez ma grand-mère à Lure où elle a accouché. C'est comme ça que ta mère est née à Lure. Lure, le 25 novembre 1992. Après un été passé à te rassurer, oui, je suis là, je peux chercher et trouver ce que tu me demandes, des fruits hors saison, des pièces détachées d'aspirateur un 14 août, etc., j'accepte début septembre de quitter Paris pour mon travail. D'autres vont prendre la relève, les vacances sont finies, mes sœurs rentrées, la femme de ménage est confidente à portée de ta main. Bien sûr, derrière tant de petits services, pointer une autre demande qui aurait annulé le fossé qui nous avait séparés et ne s'était jamais tout à fait comblé. M'aimes-tu, malgré ? Impossible pour moi de le dire, alors même que la maladie te gagnait. Alors cet étonnement, quand en allant te dire au revoir, puisque c'était une absence de 10 jours, tu m'as pour la première fois depuis mon départ de la maison demandé « As-tu besoin de quelque chose ? As-tu besoin d'argent ?» Puis, tout d'un coup, tu m'expliques « Besançon, c'est près de Lure. » Tu devrais, ce maudit tu devrais qui empoisonnait nos conversations, tu devrais en profiter pour y aller. Dans la nuit, une hémorragie t'emportait. Lure, le vert paradis. Dis là, je crois qu'on est mal barré, c'est pas la route. Non, là, on fonce vers les Vosges. Enfin, on fonce, façon de parler, mais en tout cas, on s'enfonce dans les Vosges. Non, il faut rebrousser chemin, là, pour retrouver la route de Lure. Ah, c'est compliqué pour atteindre Lure. Et alors, l'opposé des Vosges, c'est quoi? L'opposé des Vosges, de l'autre côté, c'est le Jura, parce qu'on est juste entre les deux. On est dans la dite trouée de Belfort, entre Vosges et Jura. Lure étant un petit peu dans la plaine. La vallée du Doubs, c'est très beau, oui. Besançon et tout, et quand tu arrives sur la plaine, c'est assez vilain. Oui, mais tu as les Vosges qui ne sont pas très loin. Le Ballon d'Alsace, c'est très près. De la maison de grand-mère, on apercevait ce qu'on appelait la planche des trois vieilles filles. C'était trois... c'était pas des montagnes, mais c'était des ballons comme il y a dans les Vosges, quoi. Des ballons ronds, et il y en avait trois. Et on regardait ça de la fenêtre du grenier et on voyait très bien. Donc on voyait très bien les veaux, je te dis. Est-ce que vous avez peur des chiens? C'est un chien loup, mais pas trop. Non, c'est pas un chien loup, ah bon, c'est mort maintenant, c'en est une autre. Ah ouais? C'est ça. Un berger ça picard. Ça va, c'est une... hein? Les bergers picards sont sympas, ouais, en général. Ouais, non ouais, bah, bon, ben, il n'y a pas de problème. Entrez, entrez. On est en train de finir de manger. Hein. Oh, pardon. Ça va? Ouais, on arrive peut-être un peu de jour. Bonjour. Non, non, ça va à l'heure, c'est nous qu'on est en retard. Non, mais c'est pas grave. Bah écoute, on a une copine qui est venue chercher des arbres à midi, une autre à midi et quart. Pas du tout, à part que c'était pour moi dans la deuxième partie de la France, la partie nord, la partie où il fallait pas trop aller. Jusqu'à présent, je ne connaissais que dans les livres d'histoire Lure dans les Hautes-Alpes, hein, mais Lure-Franche-Comté, j'étais un petit peu vers la Suisse, Guerre, Soissons, Haute-Saône, oui, en suivant en remontant la rivière, mais c'était tout. Bon, je suis arrivée à Lure, hein, c'est vrai, plus grand des hasards, qui m'a paru une petite ville assez tristounette, j'ose le dire, une petite ville de banlieue, un amour de jeunesse. J'ai toujours marché au cœur, chacun son moteur. Mais bon, je me suis dit pourquoi pas à Lure, hein, après tout. Et... je ne pensais pas rester plus d'un an, quand même. Ouais. Hein, ça ne m'avait pas plu, quand même, à fond. Hein. Ah non. Puis, l'année passe, et quand on n'est pas d'un coin, et qu'on se sent quand même fortement enraciné, moi, je suis toujours fortement enracinée dans le Midi, je me disais, bon, ma vieille, tu as droit à pas plus de 5 ans d'erreur. Et puis, bon, la passade, enfin, l'amour, là, a duré peut-être 3 ans à peu près. Après, sur quoi je retombe, pof, un luron. J'étais sur place. Mais c'était terrible. Et je n'ai pas pu résister. Ce qui fait que 15 ans plus tard, je me retrouve à Lure. Toujours là. Et avec, il est vrai, une autre approche de la vie luronne, la vie locale. De la ville. De la ville, oui, c'est une ville, sous-préfecture, si j'ai bonne mémoire. Mais j'ai un souvenir d'une seule route, hein, qui est partagée en deux, pointe à l'allée. Laquelle route est partagée en deux par la voie ferrée ? Laquelle route est partagée en deux par la voie ferrée ? Oui, absolument, puisque je me souviens très bien quand quand le train passait, effectivement, il fallait attendre que la barrière soit relevée, et encore fallait-il attendre que vraiment on ne voit plus le train. Non, je me souviens de cette route qui monte aussi. Bah, d'ailleurs, la laiterie se trouvait juste au pied. Il y avait l'hôtel de la Pomme d'Or ou quelque chose comme ça. Qui existe toujours, oui. D'ailleurs, qui, je crois, à une époque, a été racheté par un de mes cousins. Il me semble bien. Je ne sais plus très bien. Là, j'avoue, je suis un peu perdu. Lure, le 26 novembre 1992. Hôtel de la Pomme d'Or. Chambre 9. Aujourd'hui, je n'ai rien fait, mais beaucoup de choses se sont faites en moi. Des oiseaux qui n'existent pas ont trouvé leur nid, des ombres qui peut-être existent ont rencontré leur corps, des paroles qui existent ont recouvré leur silence. Ne rien faire sauve parfois l'équilibre du monde en obtenant que quelque chose aussi pèse sur le plateau vide de la balance. Allô, bonjour, je vous appelle parce que j'aurais voulu consulter l'acte d'adoption de mon grand-père. Donc il s'appelait Ernest Laforie. Voilà. Et il s'appelait Ernest Laforie, il a été adopté donc par la famille Frechin le 13 avril 1921. Il est né en 82 et il est arrivé en 1900, je crois, papa. 8 ans. Oui, je crois. 8 ans. Tu sais pourquoi ? Ah, ben je vais te raconter ça. Parce que son père et sa mère avaient deux enfants, papa et l'oncle Charles. Et un beau jour, la grand-mère Laforêt, chose qui ne se faisait absolument pas à cette époque-là, a plaqué son mari et a laissé le grand-père Laforêt avec ses deux enfants. Alors, il a fait venir sa mère, qui était près de Montélimar, pour s'occuper des enfants. Elle s'appelait la grand-mère Fanny. Mais la grand-mère Fanny, elle ne se plaisait pas du tout à Paris. Vivre à Paris pour cette méridionale, c'était absolument impossible. Et puis là-dessus, ma grand-mère Frechin, donc, est venue à Paris à l'exposition de 1900, avec son mari. Et il a retrouvé son ami Laforie, quoi. Ce qui était dans un grand embarras avec ses deux enfants et tout ça. Alors, ils n'avaient pas d'enfants, les Frechins. Ils ont dit, on va prendre Ernest. Alors, il a fallu ramener papa. Mais comment il allait être accueilli par la grand-mère Frechin ? C'était ça, l'histoire. Et il est arrivé à Lure. Et il y avait un chien qui s'appelait Piram. Ça, je m'en souviens toujours que papa me racontait ça. Et le chien a fait une grande fête à mon père, et mon père une grande fête au chien. Et la grand-mère a dit, c'est bon, il est accepté. Hein? Parce qu'en principe, il devait rester qu'un mois ou deux, quoi, le temps que son père se retourne. C'est-à-dire comme ça, il est resté tout le temps. Alors il a fait toutes ses études à Lure, au collège de Lure, avec son grand-père, professeur de grec et de latin, qui devait un peu le martyriser. Et puis, après, il est parti faire son droit à Paris. Après, il voulait partir il a voulu partir à l'école des langues orientales. Il a pris le malgache parce qu'il faisait moins de service militaire. Et entre-temps, son père est mort. Et grand-mère n'a pas voulu qu'il s'en aille parce que partir à Madagascar, c'était trop loin pour elle. Alors, papa, qui était tellement gentil... Alors papa est resté avec grand-mère. Alors il a d'abord été magistrat à Belfort. C'était pas trop loin. Alors Belfort, à l'époque, c'était la ville frontière. Hein? Alors. Et pourquoi ils ont pris qu'un enfant et pas les deux? Parce que hein, ça devait leur suffire, j'en sais rien. Ah, puis de toute façon, le grand-père ne voulait peut-être pas donner le deuxième. Déjà, il ne voulait pas donner le premier. Et c'était un machin temporaire, si tu veux. Seulement, la vie, ça a tourné autrement. Et comment ils ont fait pour rester en contact? Il y en avait un qui était à Lure et l'autre à Paris, les deux frères, parce qu'ils étaient très liés? Très liés, surtout après. Ils n'étaient pas trop liés à un moment, parce que quand papa est venu faire son droit à Paris, c'est les grands-parents Frochins qui l'entretenaient. Et l'oncle Laforie, celui que tu as connu, l'oncle Charles, n'avait pas la même vie, hein, que papa. Alors papa ne s'est pas entendu très bien avec son père, parce qu'il était habitué à être... Et l'oncle Charles est toujours resté avec son père, lui. Je ne me rappelle même pas si Charles est venu à Lure. Je ne me rappelle pas l'avoir vu à Lure. Non. Il faut s'adresser aux archives départementales de Vesoul. À vous, c'est à partir de 60. Pourquoi ils ont pu... On peut faire disparaître des... Bon. Tu sais comment ça se passe pour les adoptions, il faut avoir un certain âge. Et papa a été adopté par ma grand-mère, je crois qu'il était déjà magistrat. Alors comme ça faisait aucun... C'est pour ça qu'il s'appelait Laforie Frochin. Donc les Frochins étaient d'à côté, ils ont pris un enfant Laforie. Oui. Et vous aussi, vous avez un double nom. Vous vous appelez Gaspard Royer. Ben voilà, ce sont les malheurs qui ont fait cette chose-là. J'ai été orphelin de père à l'âge de 10 ans. Mon père, qui est décédé en 1921, était militaire au 13e Dragon de Lure. Et un des amis de la famille de mon père l'avait invité, ma tante, la sœur de mon père, au fête du centenaire du collège de Lure. Et c'est cette époque, par relation de famille, la sœur de mon père a fait connaissance avec Monsieur Émile Gaspard, tout frais propriétaire de l'imprimerie et du journal. Ils sont connus en juillet, ils se mariaient en novembre. Et alors, mon oncle et ma tante n'ayant pas d'enfants, et forcément ma tante excessivement liée à son frère qui vient de décéder, ils m'ont recueilli et m'ont élevé. Et évidemment... Pour que je sois leur véritable fils à tout point de vue, ils m'ont adopté. Et voilà l'histoire de mon adoption. Donc c'était aussi une façon de transmettre du patrimoine? Aussi, c'est aussi une façon de transmettre du patrimoine en famille. Parce que les Frochins à l'époque, ils étaient riches? Oui. Puisque on peut mesurer leur richesse, je crois que sur les... trois chapelles qui sont au cimetière, dans le vieux cimetière de Lure. Il y en a une qui a été construite par la famille d'Auguste Fréchin, qui a donné naissance à la famille Laforie Fréchin, et deux autres. Tout le cimetière de Lure, ce sont les trois seules chapelles. Donc, ayant une chapelle au cimetière, ça montrait que les Fréchins étaient riches. Quant à la famille Laforie, je n'ai aucun renseignement sur elle. Exo central, c'est pas ça? Attends. Cuir et peau, gros, demi-gros, c'est pas ça non plus. Auto-école, école de conduite, hôtel, agence immobilière, c'est pas ça. Maintenant, je m'étonne du silence de mon grand-père sur ces 8 années passées à Paris, avant Lure. Les photos de cette époque viennent de boutiques aujourd'hui disparues, 20 rue Poulet ou 46 boulevard Barbès, tout près d'où j'habite en ce moment. Pendant plusieurs années, j'ai vu mon grand-père écrire ses souvenirs dans des cahiers d'écoliers. J'aimerais les retrouver. Que sont-ils devenus ? Ont-ils été brûlés par ses filles, comme me l'a dit ma mère ? Mais toi, Jean, t'as toujours été attaché à Lure. T'es jamais parti. Ah oui, ça c'est vrai, oui. Et de plus en plus, hein, bon, bah, j'ai pas même 35 ans, donc c'est pas très vieux. Et là, on habite à 7 km, et moi j'ai un besoin de... Il y a deux ans, je voulais retourner à Lure. Hein. C'est curieux, hein, parce que bon, on a une maison qui nous plaît, une région qui est... qui est un village qui est superbe, quoi, qui est agréable, et puis on est à 7 minutes de voiture. Mais je sais pas, c'est un besoin de retour aux racines, je pense... Peut-être pas de la famille, c'est peut-être, je sais pas, c'est un besoin profond, naturel. Et là, il y a deux ans, on voulait retourner. Et pour moi, ça se refera un jour. Enfin, je le vois comme ça. J'ai du mal à dire, j'habiterai à Francheville jusqu'à 80 ans. Et là, c'est pas possible. Mais à tel point, Jean, écoute, je me souviens, quand t'avais 20 ans, tu me disais que chaque fois que tu quittais Lure, tu avais mal aux dents. Est-ce que c'est vrai? Ah, ça c'est vrai. Ah, ça c'est vrai, oui. Plusieurs fois, ça arrivait de partir et une ou deux heures plus tard, en voiture, avoir des maux de dents ou maux de tête. Ah oui, ça plusieurs fois. Bon, c'est ouvert à l'âge 18-20 ans. Bon, c'est peut-être aussi au niveau de l'âge, hein, je pense qu'il y a des problèmes qui sont liés à ça. Mais ça c'est vrai, oui. Donc vous n'avez jamais pensé suivre votre femme dans le sud en vacances? Pas définitivement, non. Si par contre un mois ou deux mois par an, là sans problème, même je pense que c'est agréable, notamment mettons l'hiver ou un petit peu les périodes un peu plus moroses. Je vois par rapport aux gens du midi ou choses comme ça, c'est complètement différent. Hein. Il y a moins de tabous, c'est plus souple, disons. C'est vrai qu'on a un tempérament plus. Oui, plus calculateur, ou c'est peut-être un peu la mentalité. Plus rural, il me semble aussi, hein, je pense, qui est typique, hein, enfin, qui est révélateur de cet état d'esprit. Et, on n'essaie de pas commettre d'impair, de faire attention à ce qui pourrait être dit ou vis-à-vis du voisin, vis-à-vis un petit peu de ce qui se fait, de ce qui se fait pas, quoi. On a encore des principes assez profonds. Et je pense qu'on a des générations derrière nous qui ont toujours éduqué à être. Enfin, je vois par rapport à moi ou mes parents, on parle de ce qu'on se connaît un petit peu mieux. C'était quand même assez strict, disons qu'on avait des principes bien établis et puis il fallait pas les transgresser. Hein, c'était bien important. Donc la région, je pense que c'est un petit peu la Franche-Comté ou les régions très typées comme ça, comme la Franche-Comté, les Vosges ou l'Alsace, on est quand même replié sur soi-même. Il y a assez peu de personnes d'une autre région. Il y a peu de gens nouveaux, disons, qui arrivent. Je pense que le phénomène vient de là. Les gens, par exemple, je vois ici à Francheville, donc on connaît un petit peu la région. Peut-être 90% des mariages du 19e siècle ou du 20e siècle qui sont entre des gens natifs du village. Il y a très peu d'apports nouveaux. Donc, automatiquement, ça facilite pas l'échange entre les personnes de plusieurs régions, différentes régions. Et puis, donc après, les gens ont un besoin de se retrouver entre eux et ont pas tellement d'ouverture sur les autres. Et ça, au départ, c'est un handicap un petit peu. On a du mal un peu à s'y lier comme ça. Mais après, ça va bien, quoi. Je rencontre un jour une jeune femme à Antibes qui s'intéressait pas du tout à moi. Mais elle dit, du moment où je dis que je connais bien Lure. Alors là, elle commence à s'intéresser à moi et ça s'est mal terminé. Elle m'a épousée. Elle m'a épousée. Je connais Lure la première fois un jour d'octobre 1944. Hein? La situation n'était pas tellement brillante. Hein? La région a beaucoup souffert. Notre passage n'a pas amélioré les choses, bien sûr. Hein? on a perdu le jeu. Quand vous dites notre passage, c'était le passage de qui? De la première division de France Liban. La Légion étrangère pour Bob. Bon, alors, la population était plutôt réduite, mais on avait très peu de contacts, forcément. Oui, parce que c'était en zone... Parce que c'était auparavant la zone interdite. C'était zone interdite. Hein? Ah oui? Si. Il y avait tas de libertés civiques qui étaient supprimées, hein, où les Allemands régnaient en maître, hein, interdisaient tas de choses. Donc, première impression de lire, c'était plutôt... C'était encore plus triste que les autres villes où nous avons passé, pour ne rien cacher. Mais oui, parce que là, il y avait une partie de la population qui est partie, hein, qui était évacuée. Hein. Il y avait les partisans qui étaient assez actifs dans la région, prenaient les jeunes gens, attiraient les jeunes gens ici. Hein. Donc quand on arrivait en ville, ben, il n'y avait pas grand-chose. Toutes ces petites villes, hein, on les a bourrées de garnisons, on les a reliées par le chemin de fer. Hein, c'était le réseau de chemin de fer dans l'est de la France, c'était absolument unique. Ça dépassait, je crois, même la Belgique. Hein, et petit à petit, et surtout après 45, bon, tout ça, ça. Il y avait combien de cavalerie à Lure? Un régiment. Le régiment dans l'Est était justement presque s'il effectif de guerre. 680 sabres, car on ne disait pas les hommes, 680 sabres, et à peu près 800 chevaux. Même. Quand ça sortait, par exemple, pour la défilée des 14 juillet, hein, à Lure, hein, ils avaient de la gueule. Tu vois où est le pont de l'Oignon, hein? Eh bien là, il y avait des hangars avec des zeppelins. Moi, je me souviens très bien, en 1900, que je m'en souvienne, c'était vers 24-25, il y avait encore les hangars avec les zeppelins. Après, on a enlevé les zeppelins, on a enlevé les hangars, on a enlevé tout. Alors, il n'y avait plus rien. Il n'y avait pas, à part le bistrot, il n'y avait pas grand-chose. Il y avait le... Alors moi, je faisais pas mal de sorties nature avec le lycée, bon, ce qui faisait que je retrouvais quand même, j'ai retrouvé mes billes, mais c'est vrai que sinon, il y avait les cafés, il y avait le... Moi, j'allais tous les jeudis après-midi, j'allais à Belfort en stop m'acheter un disque. Et c'était le rituel, tous les jeudis, je me mettais à la sortie de Lure, je tendais le pouce, une voiture me ramassait, j'allais... c'était les nouvelles galeries qui avaient un super rayon de disques. J'avais coché pendant toute la semaine, j'achetais rock et folk et j'étoilais tout ce qu'ils conseillaient, etc. Et donc je me suis monté ma collection de pop rock en faisant tous les jeudis l'aller-retour Lure-Belfort en stop et je revenais. Alors c'était un disque à chaque fois parce que c'était avec l'argent de poche, donc si j'achetais tout d'un coup, j'avais pas la satisfaction de pouvoir repartir le jeudi suivant, donc je n'achetais qu'un disque et je me suis monté une collection de disques comme ça, et ça a été vraiment le bonheur de pouvoir aller toutes les semaines à Belfort. Exceptionnellement, le jury a décidé de donner le Grand Prix du Festival de Belfort 1992 à un film documentaire, Le Pays des Sourds de Nicolas Philibert. Was sind das für Leute? Woher kennst du die? Von früher. Gehört denen das schicke Auto? Kann schon sein. Le dimanche, bon ben le dimanche, c'était quand il faisait beau les balades et puis quand il faisait mauvais la télé. Alors la télé, c'est comme ça que je me suis fait en fait de tous mes souvenirs un petit peu cinéphiliques, c'est vrai, avec la télé où j'ai vu, moi je me souviens de tous les Fred Astaire qui passaient à l'époque, de Zorro, mais je crois que Zorro c'est plutôt le jeudi, enfin bon, tous les trucs des années 70, les feuilletons, les machins, je restais planté devant la télévision tous les dimanches, quoi. Enfin tous les dimanches quand il faisait mauvais temps. Je ne sais pas si c'est mon adolescence peut-être trop figée, trop sage, pourquoi pas, qui est manquant vraiment de, c'est vrai, de fantaisie qui m'a emmerdé, ou l'ure qui m'a emmerdé. C'est les deux, je pense. L'un déteignant sur l'autre, l'un faisant que l'adolescence n'a pas été géniale, l'adolescence n'a pas été géniale parce que l'ure n'était pas géniale. Bon, tout ça s'est mêlé, fait que je suis revenu, quand j'y reviens, c'est vraiment du bout des pieds. Bon, en me préparant psychologiquement, bon, il y a la famille, etc., voilà, mais en me préparant toujours psychologiquement, quand j'y suis, j'y reste pas très longtemps. J'y ai longtemps somatisé, chaque fois que j'y revenais, j'avais une grippe, un rhume, on m'a même diagnostiqué une hépatite fulgurante. Pendant 2 jours, je suis resté plié en deux sur un lit à Lure. Juste après mon arrivée, un médecin est venu me voir en disant à ma mère, il a une hépatite, il faut absolument le soigner. On a commencé à me plâtrer les intestins. Et en fait, dès que je suis remonté dans le train et que le panneau Lure s'est estompé dans la brume, l'hépatite a foutu le camp à quasiment en même temps. Donc tout ça, je crois que j'ai mis des années à me remettre de ça, à me remettre de cette adolescence, à me remettre de cet environnement, à me remettre de cette tristesse. Maintenant, je l'assume parce que on arrive, c'est le cas de tout le monde, à des âges où bon, on sélectionne, on trie, on garde des bons souvenirs, on met dans un coin les mauvais, on finit par d'abord s'assumer soi-même, parce que j'ai mis vraiment pas mal d'années. Et ensuite, par assumer son passé, son enfance, sa famille, le lieu d'où on vient, ce qu'on a fait avant, etc. Donc tout ça s'estompe un peu. Maintenant, j'y retourne, bon, avec le regard un petit peu amusé du visiteur et du touriste. Mais quand à y habiter, non, jamais. Ça, vraiment, ça ne me viendrait pas à l'idée, quoi. Vos premières impressions de Lure, c'était quoi? Quelque chose d'épouvantable. Je me demande comment j'y suis venue. Parce que c'était petit? Non, parce que c'était triste. C'est triste parce que le paysage est un peu plat, c'est un espèce de non, petit plateau? Non, parce que je venais de la grande ville et que j'ai un tempérament très... J'aime beaucoup l'animation, j'aime beaucoup... Je suis un peu cosmopolite, alors me retrouver à Lure, ça me fait pas drôle. Moi, je me suis habituée. Mais je suis résignée. Ma grand-mère qui venait des Chenaux disait « Lure, c'est une grande ville ». Oh ben merci. Il y a des gens de Clairegoutte, quand ils vont à Ronchamp, ils disent qu'ils vont en ville. Comment êtes-vous venue à Lure? Parce que je me suis mariée. Voilà. Da weiß ich besser, mich zu heben und ferner Freude mich zu schämen, genieß ich froh den Augenblick. Das ist ja doch gewiss mein Glück und ferner Freude mich und fern, genieß ich froh den Freude mich zu schämen, genieß ich froh den Augenblick. Das ist ja doch gewiss mein Glück. Das ist denn doch gewiss ein Glück. Um manches Herz hab ich gewonnen, doch werde mein Triumph nicht wahr. Denn Blödheit hat's mir auch verdorben, was kaum mein Vorsicht wie Lehre ran. Lure, pour moi, c'est en fait... Le souvenir, ce sont des souvenirs d'enfance. Des souvenirs d'enfance qui sont à rattacher au fait que je suis luron par la branche paternelle. mais que dans l'histoire de ma famille, c'est toujours la branche maternelle qui a été la plus forte, et qui est, elle, normande, et givernoise en particulier. C'est-à-dire que Lure, ça a été pour moi, en fait, l'expérience, finalement, de la campagne, de la vraie campagne, que ne me proposait pas Giverny. Et le souvenir que j'en ai, et l'expérience que j'en ai eue, c'est essentiellement le fait d'y être allé pour des moments de vacances, avec cette excitation toujours qu'on a quand on est môme, finalement de découvrir le monde, alors à travers ce qui constituait l'activité professionnelle de mes cousins, c'est-à-dire une laiterie, crèmerie, beurre, œuf, fromage. Alors que d'autres cousins, eux, qui a été aussi sur Lure, étaient dans une branche artisanale de la menuiserie et de l'ébénisterie. C'est-à-dire autant d'activités professionnelles dont je n'avais aucune espèce de connaissance, soit parce qu'à Paris, c'est pas le lieu, soit parce qu'à Giverny, c'était une autre histoire. Alors, bon, le grand moment, c'était quand même la tournée. Parce que c'était en fait pour moi un monde complètement neuf. Il s'agissait d'abord de se lever tôt. J'étais gamin, j'avais 8 ans, 9 ans, 10 ans. Alors me lever tôt, c'était pas tellement dans mes habitudes. Donc on se levait à 4 heures du matin, le bol de café au lait, avec beaucoup de lait chaud, donc quelque chose qui nous mettait en forme, comme cela. On montait dans ce camion un peu rudimentaire qui était coupé en deux à l'arrière, si je puis dire. Donc et puis on chargeait les bidons qui étaient vides pour s'en aller faire la tournée. Alors cette tournée, bah, c'était un rêve parce que c'était le matin, c'était la découverte du paysage, c'était la découverte donc de cette réalité, je dirais économique, industrielle. C'était aussi la réalité d'un sacré boulot, je veux dire. Très très épuisant physiquement parlant, et c'est vrai que j'ai gardé comme ça une espèce de souvenir un petit peu ébloui de ces paysages dans la brume, de ces bidons qu'on apercevait au loin d'un chemin qui était posé là par le fermier et qui nous attendait. Alors il s'agissait simplement de s'arrêter, de le prendre et d'en mettre un vide à la place et puis de charger le plein sur le camion. Et puis alors s'ensuivaient les événements de chaîne, si je puis dire. C'est-à-dire, quand on rentrait avec la tournée et les bidons pleins, il fallait évidemment décharger. Alors, il y avait Lulu qui était là. Lulu, c'était le collaborateur de tout temps de mon cousin. Un adorable type, un peu étrange aussi, parce que l'éternel célibataire. Et puis, donc, il y avait toutes les manipulations relatives à la gestion de ce lait. Et c'est vrai que j'y ai sans doute appris une certaine, comment dire, une certaine beauté, une certaine esthétique. Je n'y avais pas songé, mais je pense qu'il y avait quelque chose de fascinant dans cette pureté. Que ce soit la pureté du lait lui-même, qu'on verse, mais aussi finalement tout le côté clean, le côté absolument propre des installations, aussi beau que... C'est peut-être pour ça que j'aime bien Jean-Pierre Reynaud, je n'avais jamais songé, mais pourquoi pas. Je veux dire, des carreaux de céramique, il y en avait aussi beaucoup dans les parties de l'entreprise. Tu vois, ouais, l'hôtel du Lion d'Or, ou je ne sais pas quoi, eh ben, il y a une maison presque en face, avec une grande porte en fer. Il habitait là, Monsieur Grade. Il y avait, c'est pour les vieux lurons, hein, ce que je te raconte là. Il y avait les Écrements, dont le père Écrement avait été, je crois qu'il était percepteur. Et c'était sa femme, Célanie, qui était l'amie de grand-mère. C'est la seule femme que j'ai vue grand-mère tutoyer. Et alors, ils avaient, je ne sais pas combien d'enfants, moi, 4, que des garçons. Il y en avait un qui avait mon âge, exactement, qu'on appelait Pierrot, et qui était... on lui disait toujours, tu seras curé, tu seras curé, tu seras curé. Et il avait installé dans le grenier, dans son grenier, un espèce d'hôtel, et il nous faisait faire... Il disait la messe. Alors moi, j'étais l'enfant de cœur, et Dédé, on la tabassait pour qu'elle aille se confesser, sauf chose qu'elle ne voulait pas faire. Alors on lui disait, si tu ne vas pas te confesser... Eh bien, tu n'assisteras pas à la messe. Il faut que tu sois dans l'état de grâce pour assister à la messe. Mais grand-père, ça ne devait pas lui plaire que vous fassiez la messe, parce que lui, il n'était pas trop... Oh, mais pas du tout. un radical socialiste de l'époque. Il bouffait du curé autant qu'il pouvait. Et alors, un jour, avec Dédé, on a fait trouver notre petite copine, Madeleine Frochin, qui, elle, ils étaient très, très pratiquants, très croyants. Et ils avaient dit, et ben, elle m'a dit, ben, venez avec moi, vous allez m'aider, et je vais faire la poussière à l'église. Et quand papa a su ça... On ne nous a pas attrapés parce qu'il était trop intelligent pour nous attraper. Ça le fait rigoler, mais c'était ses adversaires politiques qui n'étaient pas très contents. Et puis alors, une autre chose qui était attenante à cela, c'était l'activité commerciale. L'activité commerciale, là j'en ai un souvenir là aussi très très net. C'est-à-dire, je me souviens très bien de cette boutique où il n'y avait rien. Il n'y a que quand je vais au cimetière où je retrouve. Par exemple, j'ai vu que Pierrot et Crémant étaient morts, qu'il était père blanc. On lui avait dit qu'il serait curé. C'est-à-dire que c'était une pièce de bois brun avec un comptoir en bois brun et puis sans doute une balance, à peine une vitrine sur la rue et puis très peu de produits à vendre parce qu'en fait tout était stocké dans l'arrière-boutique. Et j'étais absolument passionné par la façon dont ben là on pouvait commercer, mais c'était dans une réalité, quoi, pratique d'échange, la dame qui vient acheter son lait, les clients fidèles qui viennent à des heures régulières, cette porte qui était une porte d'entrée de maison finalement assez classique, puis la petite sonnette qui était agitée par le battant de la porte, enfin, tout cela. Donc une réalité là de marchand qui me plaisait beaucoup par rapport, je le répète, à ce que j'en avais d'expérience ludique dans le contexte des jeux d'enfants, quoi. Oui, oui. Puis qu'est-ce qu'il y avait encore? Il y avait Léno, mais tu ne les as pas connus. Tu as lu Le Sapeur Camembert? Bien sûr. Bon. Tu as vu quand il parle de Monsieur Breuvage, du docteur Breuvage? Ben, c'était un docteur de Lure qui s'appelle docteur Boisson. Et que Christophe, parce que je l'ai connu, moi, qui était professeur d'ailleurs. Il l'avait appelé le docteur Breuvage dans son sapeur camembert. Et le clocher qui est dessiné, c'est le clocher de Lure, si tu remarqueras, c'est tout là le livre. Parce qu'il y a des tas de choses que nous, on connaît, si tu veux. Par exemple, pour ce docteur Breuvage, c'était un docteur extraordinaire. Il passait sa vie à aller saouler la gueule avec les curés des environs. C'est pour ça qu'on l'appelait le docteur Breuvage. Ça, c'est de la petite histoire. Et il soignait quelquefois quand même? Ah oui, oui. Les rougeoles, les varicelles et les coqueluches. Très bien. La famille Fenouillard, ouvrage destiné à donner à la jeunesse française le goût des voyages. Premier départ. Mais voilà qu'un soir, Madame Fenouillard se lève brusquement et s'écrie : c'est pas tout ça, mais nous devenons de vrais mollusques. J'entends que dès demain, nous partions en voyage. Oh, veine ! S'écrièrent ces demoiselles avec la correction de langage qui leur était habituelle. Après discussion, on a décidé qu'on irait à Bruxelles pour voir le musée d'Anvers, qui est un revolver chargé au cœur de l'Angleterre, comme a dit Jules César. On voit que M. Fenouillard aime à citer les mots célèbres. Cela frappe l'imagination, élève l'âme et réchauffe le cœur. À la gare, M. Fenouillard s'adresse à un employé fort occupé à ne rien faire. « Pardon, monsieur, si je vous dérange, dit-il, mais serait-ce un effet de votre complaisance de m'indiquer le premier train pour Bruxelles ?» Les Lurons, à mon avis, sont de grands voyageurs. Certains Lurons, si, je crois bien. Parce que dans le sud, j'ai rencontré donc par hasard plusieurs personnes de Lure. Et c'est comme ça qu'un jour, j'ai pris le train pour Belfort-Lure. Voilà. Belfort-Lure, tout le monde descend. petite gare, hein, le brouillard. Je me rappelle comme si c'était hier, il pleuvait. J'avais vraiment un drôle de sentiment. Je me demandais si j'aurais pas mieux fait de prendre le retour tout de suite. J'avais assez mal au cœur. Convaincus que nos amis fenouillards servaient de pâture aux poissons du Pacifique, nous songions à leur élever un mausolée de marbre et d'or. Mais voici que nous recevons de Yedo, par le pantélégraphe Caselli, qui permet, comme chacun sait, d'expédier les dessins les plus compliqués, nous recevons, dis-je, une dépêche et des portraits dont nous donnons le fac-similé. Voici la traduction de l'écriture qui se trouve dans le cartouche de gauche. « Honorable monsieur, une famille étrange erre depuis 3 jours à Yedo et intrigue fortement la population. Elle porte d'antiques costumes passés de mode depuis longtemps. Le peuple japonais, né malin, a surnommé ses personnages, premièrement, Monsieur Pontifical, à cause de son allure solennelle, deuxièmement, Madame Douceur, elle a toujours l'air furieux, troisièmement et quatrièmement, Mesdemoiselles Wa et Canard, à cause de leur démarche gracieuse. Les connaîtriez-vous ? Alors là, c'est très drôle, parce que bon, la famille Fenouillard de Christophe... Si j'étais dans la main comme ça, je le feuillette avec ces petites vignettes légèrement pastellisées et puis ces textes très denses. Je ne suis pas du tout à Lure, je ne suis pas du tout en Franche-Comté, je suis à Giverny. Dans la chambre de ma mère où enfant j'étais à Giverny, où je couchais et ces lectures qu'on faisait. Fenouillard, ça si j'avais su. Quelle surprise! Où l'on entend parler le cœur de ces demoiselles. Cependant, nos amis, remis à neuf, filaient à toute vapeur vers Saint-Rémy, tandis que le docteur songeait mélancoliquement aux moyens de parachever son grand mémoire. Tout à coup, il se souvient que lui-même est né à Saint-Rémy-sur-Deule. Aussitôt réveillant Monsieur Fenouillard, il lui dit « Monsieur, j'ai 2 neveux charmants à Saint-Rémy, je vous demande pour eux vos filles en mariage. » À peine débarqué, Monsieur Fenouillard est reçu sur le quai par Monsieur le maire, qui en quelques mots lui souhaite la bienvenue. Ces demoiselles prennent un air timide et embarrassé, comme il convient à des jeunes filles bien élevées et qui ont vu le monde. Dans la salle d'attente, magnifiquement décorée, le docteur présente ses 2 neveux, messieurs Anatole et Polydore, sur lesquels ces demoiselles font une vive impression. Ces demoiselles ont un air timide, mais non plus embarrassé. Dans le vestibule, Monsieur Fenouillard consulte ses filles, qui n'ont plus l'air ni timides ni embarrassées, sur la proposition du docteur. « Oh !» s'écrit-elle ensemble et avec élan, « je sens qu'il est l'élu de mon cœur !» Se connaît, tout le monde sait à peu près d'où tout le monde vient, et il y a, c'est vrai, des coupures assez fortes, assez radicales. Il y a les notables, il y a le commun des habitants, en tout cas le commun des Lurons, quoi. Il y a un poids, et il y a aussi une sorte de regard sur ce que doit faire et ce que ne doit pas faire un gosse de notable, en l'occurrence. Il y a une surveillance. Moi, je me souviens de... Je m'étais amusé un jour avec une craie à faire un trait sur la façade en carreau du poissonnier qui était sur le chemin quand je rentrais de l'école. Et le poissonnier a immédiatement téléphoné à mon père en lui disant que c'était inadmissible, que j'avais quasiment détérioré sa vitrine et sa façade en donnant un monstrueux coup de craie qui s'effaçait en 2-3 mouvements. Donc tout était comme ça, surveillé. Bon, voilà, il y a une espèce de regard perpétuel qui est très paralysant. Et tes premiers souvenirs de là-bas, c'est quoi ? Mes premiers souvenirs, ce sont les meilleurs. Parce que c'était la grande liberté, parce qu'on y était surtout avec ma grand-mère, qui était un amour de femme. Et alors, pour moi, c'était la liberté totale. Alors, quand les parents venaient en vacances, on était contents. Oui, ils venaient, mais ils ne restaient pas très, très longtemps. Et nous, on restait avec ma grand-mère. On trouvait ça beaucoup mieux, d'ailleurs. Mais ça, c'était, pour nous, c'était la liberté. Puis mais alors... la liberté, pourtant, vous franchissiez rarement les murs du jardin. Ah oui, on allait au tennis, déjà. On faisait du tennis, on faisait beaucoup de promenades en bicyclette. On avait une grand-mère qui nous faisait marcher, marcher, c'est pour ça que je ne peux plus marcher maintenant. Tous les jours, elle nous emmenait, tu vois où nous habitions, à pied. Elle qui détestait les vaches, à pied, à travers champs, on allait au cimetière, en passant par le mortard, ce machin qui a été construit. Et elle emmenait toujours une ombrelle pour l'ouvrir si les vaches la poursuivaient. Non, puis après, on a continué à y aller jusqu'à... Quand on s'est marié, on y allait pas plus. Moi, j'y suis allée encore une fois mariée. Mais quand grand-mère est morte, la zone étant... mes parents sont rentrés à Paris. Puis ta mère s'est mariée à ce moment-là. Mur, le 24 octobre 1940. Cher Monsieur Laforie, excusez-moi si je vous adresse cette lettre à vous personnellement et à votre bureau, cela parce que je pense que Madame Laforie aura réussi à pouvoir effectuer son voyage à Limoges. Le but de cette lettre est d'abord pour vous dire que si vous avez l'intention et les possibilités de venir à Lure pour la Toussaint, mon mari et moi espérons que c'est au 42 rue Carnot que vous descendrez. Nous serons heureux de vous y recevoir. D'autre part, comme l'appartement du premier étage a changé d'habitant, le sous-officier qui s'occupe du cantonnement, m'ayant demandé de lui en ouvrir toutes les portes, je les ai d'ailleurs refermées aussitôt, je me suis permis de regarder à nouveau dans les chambres pour que si toutefois quelque chose pouvait tenter ces messieurs, de l'enlever. Alors, j'ai trouvé dans la chambre de Madame Frechin une petite boîte en bois renfermant ses bijoux, sa chaîne de cou qui ne la quittait guère, qu'elle croyait avoir perdue et qu'elle a tant cherchée, une bague, ses boucles d'oreilles, une barrette que je crois en platine et ornée d'une pierre, sa pièce de mariage, des accessoires d'une chaîne de montre d'homme, ceci enrichi de perles. Monsieur Laforie, je garde précieusement ces reliques et je vous les remettrai à notre première rencontre. La mise en vente de votre maison apparut ce matin sur les petites affiches. Nous avions eu à ce sujet la visite de Maître Guigon il y a une huitaine de cela. Il nous demandait si cela nous intéressait. Devant la somme fixée, j'ai le regret de vous dire que nous abandonnons l'espoir d'être propriétaires. Quoi qu'il en advienne, soyez persuadés que nous regretterons fort les bons propriétaires que nous avions, et ce ne serait pas sans un grand serrement de cœur que nous quitterions cette maison si les circonstances nous y obligeaient. Alors la dernière fois que je suis allé à Lure, ou plus exactement le dernier souvenir que j'ai de Lure, ça remonte à une vingtaine d'années, peut-être un peu plus, ça doit être 67. Et je me souviens très bien, j'y suis allé en voiture, 403, noire, familiale, et j'y ai emmené ma grand-mère, qui avait 95 ans, et nous y sommes allés parce que c'était la communion solennelle de mon cousin. Vous voyez que ça reste vraiment hein, dans, je dirais, une typologie de déplacement tout à fait familiale. Ah oui, alors. Ce qui m'a toujours fasciné par rapport à mes cousins, et particulièrement à ma cousine, c'était comment dans ce genre de manifestation, elle était habillée. Il fallait en fait un petit peu qu'elle fasse de la représentation. Je crois que c'est comme ça qu'on peut en parler, et on peut le comprendre. Allure, c'était quand même des gens qui avaient cette affaire, qui marchaient bien, ça faisait partie un peu des notables, entre guillemets. Et J'adorais les chapeaux qu'elle portait. Je veux dire que là, la reine d'Angleterre, à mon avis, elle était battue, hein, complètement. Et j'ai en mémoire, mais très très forte, par exemple, à cette communion solennelle, les vêtements, oui, des uns et des autres, d'ailleurs. Je regardais ça avec une certaine, un certain amusement, il faut bien le dire, et quelque chose qui me paraissait quand même un peu désuet. Quand même un peu désuet, mais ça me permettait finalement de vivre au présent ce que les photos de la famille m'avaient montré. C'est bien. C'était une conserver les traditions, d'une certaine manière. Alors, ce qui est quand même tout à fait amusant par rapport à l'allusion que tu faisais tout à l'heure de l'activité de plume qui m'occupe aujourd'hui, une critique d'art, c'est que, eh bien, cette cousine, elle écrit. Et elle écrit fort bien, non seulement d'ailleurs elle, mais aussi sa fille. C'est quand même sympathique de penser que on a ça en connivence. Prime la nouvelle de Belfort. Ah. Seuls quelques très vieux lurons en parlent encore à mots couverts. Le soir, à la veillée, à condition bien sûr que vous insistiez longtemps. La fontaine aux loups. La louve, histoire étrange, légende ou fait divers, allez savoir. Autour de Lure, chacun le sait, la forêt est magique. Un festival de vers, un vrai régal. Du vert sombre au vert tendre, sapins, charmilles, hêtres et bouleaux coiffent de merveilleux étangs aux profonds mystérieux. Étang Augier, étang Thierry, étang Baptiste Millet, étang des Monts Revaux, et j'en passe. Le ruisseau Notre-Dame roucoule doucement, s'égarant parfois pour créer des mares et des marais difficiles d'accès, paradis protecteurs pour sangliers, grenouilles, moustiques, etc., fleurs étranges. Entre le pont Richard, situé sur la route de Lure à Lanteneau, et le pont de Terre, c'est une mare assez grande, cernée par les marais, appelée la Fontaine aux Loups. Eh bien voilà, là, ça c'est un journal qui s'appelle « Les affiches de la Haute-Saône du territoire de Belfort et du pays de Montbéliard » en date du 19 juillet 1992, à la une duquel il y a un texte qui s'appelle « Sous le chapeau de légende Luronne, la louve du pont Richard ou la fontaine aux loups » et qui est un conte signé donc de ma cousine, Marie-Adèle Piguet-Chauffel. Directeur du journal, Jean Royer-Gaspard, c'est toi? C'est mon père. Donc mon père a publié la nouvelle de ta petite cousine. C'est pas ma petite cousine, c'est ma grande cousine. Ma grande cousine. C'est génial. Mais alors tu lis pas les journaux de ton père? Si, il est juste méchant. Ça, c'est absolument incroyable. Ah, c'est ton père, Jean-Louis, oui. Gaspard. Passez par là. Hein? Voilà. Bon, ferme la porte, Philippe. Pardon, je crois que je... Offre d'emploi. Cherche personne pour faire belle charbonnette à Visoncourt, Grotte, Villers-les-Luxeuil. Téléphonez après 19h au 84 95 82 08. Bah, les affiches, c'est tout un symbole de la vie de l'homme, je pense. Bon, rien n'est superflu, tout est, c'est assez rationnel dans la présentation, dans l'analyse, politique, un petit peu ce qui se passe au niveau local. Même pour les annonces, bon ben c'est efficace, on peut dire. Bon ben le vendredi, on regarde un petit peu si. Au moment du café, journal, on pousse un peu l'assiette hein, et puis on reprend page de Lure. Hein, voilà, il s'est passé ça. Tiens, ce week-end, il y a telle expo. Ben, je pourrais aller faire un tour. Hein, est-ce que la piscine est ouverte à cette heure-là? Oui, c'est bon. Bon, j'ai envie d'acheter un petit truc, vendre, acheter, puis la curiosité. Tiens, qu'est-ce qui se vend dans le coin? Qu'est-ce qui se passe? C'est comme si on avait en rapidité un écran de la semaine sous les yeux. Voilà. que vous allez voir là-bas. Là, les clichés qui sont prêts pour les huipages. Les clichés là sont prêts pour les huipages. Vous avez les huipages qui sont étalés là, qui ont été faites l'une après l'autre. Ainsi, ce qui permet d'avoir une vitesse d'impression beaucoup plus forte, beaucoup plus grande qu'avec les machines, ce qu'on appelait les machines en blanc. Impression directe. Nous avons un négatif en plomb, en stéréotypie, qui permettra d'imprimer les positifs, c'est-à-dire le journal. Après l'incendie, Monsieur et Madame Lambolé, Laurent et leur fils remercient sincèrement les pompiers de Lure-et-Mélisée, la gendarmerie, les voisins, les établissements Madec Mater, la Croix-Rouge, le Secours catholique et toutes les personnes qui leur ont apporté aide et soutien. Non, oui, en le feuilletant comme ça, là, j'avais l'impression que je sortais pas un journal de 1992, mais 1892 dans sa maquette, dans sa composition. Je dis pas ça d'une manière déplaisante à l'égard de la direction qui s'en occupe, mais c'est vrai que comme c'est apparemment un journal dans lequel il n'y a pas d'image, il y a une composition, une typographie, je dirais même une qualité de papier un peu rustre. Avec l'impression qui s'incruste dans la matière du papier, qui me fait penser à tout ce qu'on peut manipuler quand on va à la BN et qu'on feuillette les canards de la fin du siècle dernier, quoi. Mais c'est bien ça, je trouve. C'est bien que ça existe comme ça. Ça rassure en fait quelque part. Peut-être en fait c'est ça qui est bien dans ce qu'on pourrait nommer le mythe Luron, disons. C'est que ça rassure. Oui, mais c'est vrai. C'est vrai parce que, en fait, ce sont des dimensions. Vous savez que c'est un journal mythique à Paris, les petites affiches. Sans rire. Vous savez, j'ai une surprise toute récente, qui est une surprise comme j'en ai une avant-guerre, avant 40. Avant 40, j'ai reçu un abonnement des États-Unis avec un bulletin d'abonnement découpé dans le journal. Et le 13 novembre, j'ai reçu un abonnement d'Angleterre avec un bulletin d'abonnement découpé dans le journal. Enfin, notre journal a 157 ans d'existence. Il espère encore vivre de nombreuses années. Dans ma famille, c'est mon grand-père qui était abonné, c'est-à-dire Ernest Laforie-Frechin. Oui. Donc il le recevait à Paris, puis quand il a été à la retraite, il le recevait à Chalon-sur-Marne. Très bien. De là, il l'envoyait à sa fille qui était à Pau, et sa fille qui était à Pau l'envoyait à sa sœur qui était à Paris. Votre mère. Eh bien, je vous montrerai un journal de 1928 où il y a un article de tête de votre grand-père, M. Émile Laforie-Frechin. Ernest. Ah, Ernest, excusez, Ernest, oui. Et par la suite, quand il était en retraite, il correspondait très souvent avec mon père adoptif, M. Émile Gaspard Royer. Et nous envoyer ses souvenirs d'enfance que nous avons publiés au journal. Alors, ses souvenirs d'enfance et ensuite ses souvenirs du front alsacien en 1914, avant qu'il y ait les grands combats, quoi. Oui. Mais nous avons encore de nombreux abonnés. On en a voit chaque semaine à l'étranger une douzaine ou un, si c'est pas plus. Oui. Je crois 13 exactement. Par nous bateau. Nous avions dernièrement un abonné en Corée du Sud, un abonné à Taïwan, et nous en avons pas mal en Guyane. Guyane, Réunion, surtout. Oui. Les fossés sont venus ici. Et si prise n'est plus de ce ils aiment mes amis. Si on a fait on pense que c'est un gros père. On se lâche de tout venir, je vais rester. Maître Guigon, notaire, Lure. Le 25 octobre 1940. Mon cher ami, j'ai le plaisir de t'informer que j'ai trouvé preneur pour ta maison pour le prix de 150 000 francs. C'est ton voisin, M. Effly. J'aurais besoin de ta procuration. Dois-je t'adresser un modèle ? Ich Flirs Glück ruhe es gar nicht weh, dass mir hemmiga hei. Was unterscheidet Menschen vom Schimpans? Es ist nicht die glatte Haut, der feine Schwanz. Nicht, dass man schlechter Bäume aufkommen, ey. Dass mir hemmiga hei. Maître Guigon à Maître Besson. Le 25 octobre 1940. Mon cher confrère, je lis dans les petites affiches une insertion qui pourrait concerner la maison de Monsieur Laforie. Pour éviter toute difficulté, je crois devoir vous prévenir que j'étais en relation avec Monsieur Laforie, qui est un camarade, que ce dernier m'a fixé un prix qu'un de mes clients a accepté et que j'ai prévenu Monsieur Laforie de l'acceptation. Hübsches Mädel hier, he? Jetzt schauen wir doch höchstens ein auf die Weg, weil wir hemmiga hei. Und wenn ihr seht, was heute der Mensch hat rot, so seh ich wirklich schwarz, nicht nur mehr rot. Und was mir noch offen ist allein, dass ich hemmiga hei. Mais alors, si grand-père était attaché, pourquoi il n'a pas gardé la maison de Lure? Ah, là, il y a tout un problème qu'on n'aime pas beaucoup parler parce que ça nous a fait à tous de la peine et principalement à Dédé. D'abord, il y a eu cette histoire de guerre où on n'a pas été pendant je ne sais pas combien d'années. Après, il y a eu mon... Maman ne voulait pas y retourner, certainement pas. Et je crois... Alors, Dédé aurait voulu l'acheter. Il ne nous a pas prévenus. Il nous a fait prévenir par maman, par des lettres de maman disant que Lure était vendue. Alors, il prétend qu'il avait des ennuis d'argent. Mais écoute, oui, il en a peut-être eu à ce moment-là, mais on ne vend pas une maison. J'ai vu certains papiers. Mais moi aussi, je les ai vus. C'est pour ça que... Alors, il a préféré se liquider Lure, parce que de toute façon... Et puis, il a dit aussi cette chose qui était bien de lui. J'aime mieux liquider Lure, comme ça, mes filles ne se disputeront pas pour l'avoir. Et ça, c'était dans l'esprit de papa. Il avait horreur des discussions d'argent. Mais horreur! Alors, il s'est dit, non, comme ça, il n'y aura plus de maison, Ça, c'était la vraie maison de famille, si tu veux, qu'ils avaient fait construire. Qui était pour eux, que le grand-père avait fait construire pour eux. Il y avait, je te dis, il y avait l'écurie qui était prévue, il y avait, tout était prévu, et il est mort, relativement jeune encore, à 40 et quelques années. Je ne sais pas qui habite là maintenant. J'ai toujours eu envie d'y retourner un jour. Mais, on est déçu quand on retourne, il ne faut jamais retourner en arrière. Et comment tu expliques que grand-père ne s'attachait pas à tout ça? Quand le grand-père ne s'attachait pas aux choses matérielles. Pas du tout. Or, il y a une tradition provinciale qui est que, bon, les biens oui. sont les biens. Comment ça se fait? Eh bien, moi, je pense que c'est parce que ce n'est pas lui qui les avait acquis. Il n'avait jamais travaillé pour avoir quelque chose, si tu veux. Si, pour nous élever, pour tout ça, parce que quand même, on vivait très bien. Hein. Mais il n'avait jamais rien acquis de lui-même. Tout lui était tombé comme ça du ciel. Et ça, les gens s'y attachent beaucoup moins quand ça vous arrive tout petit. Et toi, où est-ce qu'ils sont les tiens? Plus bas. On y va? Cimetière, c'est drôle parce que j'ai failli. Ça fait longtemps que je suis pas venu ici et j'ai failli continuer vers d'autres tombes. Et je me suis aperçu d'un coup qu'ils avaient complètement agrandi le cimetière et qu'en fait, avant, on était contre le mur. Enfin, le caveau était contre le mur. Et maintenant, il est au milieu. Le voilà. Il n'y a pas de nom, il n'y a que famille, c'est tout. C'est vrai, j'avais jamais remarqué ça. C'est mon grand-père, un ancien combattant 14-18. Association des anciens combattants de Lure. Ça, c'est une tombe sans nom. Oui, ouais, ouais, il y a juste famille, famille Gaspard Royer. Ouais, il n'y a pas de nom, il n'y a pas... Je sais qui est dedans, évidemment, qui a été enterré là. Mais il n'y a pas de nom, il n'y a pas de... Il n'y a ni le nom de mon grand-père, de ma grand-mère. Qui d'autre encore? Il y a une partie de la famille qui est à Ronchamp, à 15 km d'ici. C'est vrai, en fait. Il est immense. Il paraît qu'on sera dedans. C'est peut-être finalement après en être parti, mon pire souvenir de lui. C'est pas pendant, mais c'est après le jour où on est parti depuis quelques mois, on connaît d'autres choses, on voit d'autres gens, on s'est fait d'autres amitiés. Et puis le pire souvenir, c'est peut-être de revenir, d'essayer de retrouver des gens qui sont éparpillés, les fameux amis de lycée, etc. Parce que c'est vrai que j'en ai gardé aucun. Et puis de s'apercevoir d'abord que les gens sont partis aussi de leur côté. On sait pas, je sais pas ce qu'ils sont devenus, mais je suis sûr qu'il y a d'autres gens qui sont partis loin, qui ont voulu vraiment foutre le camp. Et je veux pas être le seul dans ce cas, et de s'apercevoir que on a vraiment plus rien à y faire, qu'on connaît plus personne, que les lieux familiers deviennent tout d'un coup étrangers, que les plaisirs qu'on y avait ont complètement disparu. Et de se retrouver devant un espèce de vide d'avant, en fait, de vide, d'une adolescence vide, de quelque chose qui n'a pas servi, qui n'a pas débouché sur grand-chose, qui s'est arrêté à vraiment un moment très, très précis, au moment où on est parti. En plus, de s'apercevoir que derrière, eh ben, c'est des sables mouvants, c'est quelque chose qui se tord un peu dans tous les sens, qui s'évapore, qui s'éparpille, qui finalement servira pas. En fait, c'est de s'apercevoir que ce qu'on a vécu avant servira pas. Vers Paradis, par Marie-France Thivault, Philippe Royer. Avec Michel et Bohumil Vazac, Martine et Jean Voynier, Philippe Piguet, Annie et Jean Royer-Gaspard, Cécile Baquez. Réalisation, Monique Burguière, Marguerite Gâteau. Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 28 septembre 1993. Oh, sweet daddy, please come home.